Salut, c'est Max Dumbo, bienvenue dans Lourd, nouvelle émission rap hip-hop. L'idée est très simple, vous partagez des morceaux que j'aime bien. Toutes les variantes du rap, toutes les mouvances, toutes les époques, tous les pays. L'émission dure environ 2 heures et ça commence maintenant. Betrays this beat? No, I will never, huh? It gets funky at switch of a lever. Some beats are great, this one is greater. And some are straight, this one is straighter. So get on the floor and forget your stance and groove to the beat that I made to dance. Forever my beat, orchestrated as a triple A rate. Having all that it takes, make no mistakes. That we're the band with the plan to rock every fan. Hit a hoop, app, scoop up, high demand. So get down, come on and bust a move. D-Light Daddy, yoing through the outer room. And your sons are fun, who are second to none. So let's groove to the beat of the drum. Forever my beat, top. Forever my beat, forever. Forever my beat. My beat, forever. Forever my beat. Counterfeiting this beat won't happen. Not even overnight, cause we be slapping the beat like a freak for the rest of the week. And if you're front on stand, baby doll, we make show and see. That's your boogie to the sound of the drum, stimulated by the sound of my voice. Yeah, you're ready to come. Then I'm dumb and all that crap. Bring on any rhyme, write it down and see what. Forever my beat, if allowed I'd play it all year. And if the front was closed, I'd play my beat in the rear. And if the back had a crack, I'd use my beat like glue. And in the can like beat, I use my beat as stool. My beat is a gem next to garden to earth, and all the earthly treasures couldn't measure its worth. My beat's a Lamborghini being turned as a car, and I eat it like the rich eat caviar. My beat forever. My beat for the record, the jam you selected, the one we projected, erected, perfected, all the way live. Yes, we're in full drive. No lie, when I imply we have arrived. We're the stead on the set. Us, you won't forget. We're leaving our mark. We'll catch T-boy checks. So reflect on the text. Check out what's next and groove to the sound that you know is there. Whatever my beat, this fashion beat got glitter. The bottom of the ninth is the home run hitter. Never standing still, it's the up and go getter. Huh. You think I'm fronting, then try to get rid of this beat. Well, demolish in a single day. Destroy faster than a man can say ace deuce trade. My beat is a death defying feat, and every mark that's a gem, it's so hard to repeat. My beat top. My beat's a graduate from Harvard or Yale. Slapping up the beach vibe on his way to the charts. Having radio stations too, I'm up on the charts. Rocking tom-tom snares and timbales too. Playing with Batman Snuffy and Winnie the Pooh. I do, I catch flu on my beat boogaloo. And I never saw my beat drop down with the crew. My beat forever, with this I stand. As a maker of history across the land. Although it's true that I'm a babe in the music den. It's a fact on wax, I do set trip. My beat is cut fine, making you unwind. Prince Paul dropping needles, we're right on time. We're not a trace of disgrace, cause haste makes waste. And the pace of the pace don't need no pain. Forever my beat, sharp stimulated, hot like fire. Implicated for my beat's desire. Amplified, expand to my very last breath. For that which is a matter of life and death. Camouflage this beat and it'll never get blurred. Simmer dog from the beats you've heard. Pro with other state when a rhyme regulates this genuine goal. So congratulate forever my beat time. Forever. Forever my beat. Forever my beat. Forever my beat. Forever my beat. robbed of our language. We lost our religion, our culture, our God. And many of us, by the way we act, we even lost our mind. Here it is, bam, and you say, God damn, this is a dope jam. But let's define the term called dope, and you're thinking me funky now, no. Here is a true tale, why the ones that deal, all the ones that fail, yeah. You can move if you wanna move, what it prove? It's here like the groove, the problem is this. We gotta fix it, check out the justice, and how they run it. Selling, smelling, sniffing, riffing, and brothers trying to get swift in. Selling their own, rob a home, while some shrivel a bone, like comatose walking around. Please don't confuse this with the sound. I'm talking about bass, bass, bass. Come on, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Put this together too. The bells of those that boost the dose of lack-a-lack and those that sell the black. Shame on the brother when he dealing the same block where my 98 be wheeling. And everybody know another kilo from a corner from a brother, keep another below. And stop illing and killing, stop drilling. Yo, black, yo, we are willing. 4 or 5 o'clock in the morning. Wait a minute, y'all. The fiends are fiending day to day to day. They say no other way. This stuff is really bad. I'm talking about we're gonna get on down. Checking the time, homeboys playing the curve, the same ones they used to do earth. Now they're gone, passing it on, poison attack the black word spawn. My man Daddy-O once said to me, he know a brother that stayed all day in his Jeep, and at night he went to sleep, and in the morning all he had was sneakers on his feet. The culprit used to jam and rock the mic. Yo, he stripped the Jeep to fill his pipe and wander around to find a place where they rock to a different kind of. Come on, y'all. Hold it now, wait a minute. Yo, run it, Black. Suck the tash is a meal for kids that make cash, selling drugs to the brother man instead of the other man. Brother than sister. I'm talking about je condamne trop l'attitude de ma fin. Je prendrai mon arme. Hey, hey, la frime est en tape. stop, tu bloques, tu chopes les gens de temps en temps. On t'enlève les chaînes de ton déguisement. On veut l'eau du rap, le rap et moi te claque. MTO, MC Sky, exploite le mic. Une violence musicale envahie dans l'esprit, te suit. Elle te base consomme, ouais, c'est naturel. Un gros caché, un gros contrat, un gros paquet, le gros lot, tu vois le top niveau, tu touches lourd, très très lourd, tour à tour, de jour en jour, c'est sûr, tu bourres, tu cours, mais tu te bourres, tout le temps le paye impressionnant, tu fais le guignol en touchant les fonds, de quoi baisser ton fort, fort, fort, fort, quand faire la pute n'est pas nos buts, brut, on lutte en pétercute, tu butes, charcute, exécute, sort, sort, il y a des exemples dans le monde, il y a des noirs, des blancs, incompétents, qui recherchent la richesse, sale espèce, pire espèce, qu'est-ce? Écarte tes fesses, rends-toi la caisse. Toutes ces putains de bandes abîmes supprime, indignes. Ils ne font que du mime, sans parler de ces putains d'émissions. Interview à la con, beaucoup de promotion. Ils parlent des nazes comme des rois, rois de quoi, rois d'actifs. Rip, mauvais trip, bullshit. Média, caca, article, caca, critique de merde. Mensonge, quand tu songes, on the radio. Niveau zéro, hard zone, hard football, natural, hey dodo. Hey man, reste naturel. Comme un prince mal, reste cool, reste dans le mouvement, sans faire de flambe. Écoutez Lou en première émission, on vient de s'écouter un instant un brûlot de Sister Soulja, extrait de son unique album 360 Degrees of Power, sorti en 92. Elle s'était fait connaître en tant qu'invitée récurrente sur des morceaux de Public Enemy, et à partir de la fin des années 90, elle a commencé une carrière d'écrivaine. Elle a écrit 8 livres entre 94 et 2024, dont à ma connaissance aucun n'a été traduit en français. Alors pour info, elle a aussi été directrice de Daddy's House Social Programs, l'aile caritative à but non lucratif de Bad Boy Entertainment d'un certain Puff Daddy, ce qui devait pas être simple tous les jours vu ce qu'on sait maintenant sur cet affreux Jojo. Alors elle a dit d'ailleurs dans un article l'an dernier avoir prévenu une des victimes de Puff Daddy que c'était un type infâme. Ça n'a pas dû être simple pour elle ces dernières années, mais en tout cas ce morceau, quelle bombe. Juste avant, c'était les inoubliables Timide et Sans Complexe de Vitry-sur-Seine, avec le morceau Reste Naturel, extrait de leur premier album Lyrics Explicit, sorti en 92 aussi. Alors, il faisait partie du collectif Mouvement Authentique avec l'UNLD, EJM, les Little, qu'on écoutera tout à l'heure. Joel MC, un des membres fondateurs, était un des meilleurs MC de sa génération. Il a participé à signer la musique de Fury Rock, un petit film sorti en 88 que je vous recommande, qui est sur YouTube. Quant à Doudou Masta, bah, vous le connaissez sûrement, il a contribué à créer le collectif Bougotop, et il s'est lancé plus tard dans une carrière d'acteur au cinéma et à la télé. Juste avant ça, c'était bien sûr Night of the Living Baseheads de Public Enemy, un morceau surpuissant sorti en 88 et présent sur leur album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. La production est signée par un trio composé de Chuck D et deux membres du Bomb Squad, Eric Sadler et Hank Shockley, avec en particulier un riff terrible qui vient du morceau The Grunt des GBs, le groupe qui jouait aux côtés de James Brown dans les années 70. Et puis il faut voir et revoir la dope version de la vidéo avec notamment MC Light, ça vaut vraiment le détour. Et pour commencer cette séance, c'était les toujours trop sous-estimés Stetasonic avec Forever My Beat, le premier morceau de l'album On Fire, sorti en 86. Le DJ de Stetasonic, c'était tout simplement Prince Paul, qui a une grande carrière de producteur pour Boogie Down Production, Big Daddy Kane, De La Soul, qui faisait partie aussi des Grave Diggaz avec Reze du Wu-Tang et Handsome Boy Modeling School et Dan The Automator. Bref, Stetasonic, c'est vraiment à découvrir, à redécouvrir en permanence. Ils ont ouvert la voie à plein de groupes. Et puis, vous avez reconnu le générique de l'émission, c'est bien sûr Get Up de Masters at Work. By the pool, catching a suntan and everything's cool. Male or female, you wanna be set in a big mansion, drinking Moet. You read the Wall Street Journal, later for the comic. Far from dumb because you practice logic. You live poor in the ghetto, never having money easily, but you found the remedy so you, your girl, and your kids can have a better opportunity. You teach them all about unity. Cultivate in their brains the word of our law, the master, and they go far. But you still go visit your old stomping ground. Indeed, to help another that's down. A tough situation cuts like a knife in search of the good life. Good life. Church to home, on down to the prison. People wanna know, how is he or she living? Does he work? Do you wonder if his life will bloom? Is the girl gonna have the kid anytime soon? How's the mother? Do they ever go visit the brother? What about the dad? I heard he drinks undercover. So and so shooting up another on crack. Just the other day, trooper got sent back. What type of life do you lead? Tell me, cause you could be anything you want to be. Some will strive for the good life in any case. The mind is a terrible thing to waste on drugs, violence, and hatred of another color. Hear me now, brother. All around the world, the husband and wife work night and day in search of the good life. Good life. Good life. L-O-D-L-I-F-E, living in luxury, carefree, period. No time to waste when cash is all day. We work instead of play. I B-U-I-L-D inside of me, knowledge, and quickly you vacate the city. From a paranoid mental delusion, plain and simple, I won't cause confusion. Yo, that's your fault, stop the somersault, cause I put the bad life mode to a halt. My destiny, I define as heavenly, so Fort Knox open sesame. Light shines and the birds keep singing, as I still cling to my positive upbringing, with the need to succeed, right? On a natural high, the good life. Bonsoir, merci, merci, wouh! Merci d'être venus si nombreux écouter ce disque ce soir! Et oui, ce soir c'est un vinyle assez différent des autres, de par ses lyrics, ses vérités, son style underground, et surtout par son délire. Attention, vous les attendiez depuis longtemps, c'est du rap français, c'est des vrais, pas des faux, c'est nouveau, c'est tout chaud! Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir DJ Sec, RL et Sully, les Little! Ouh, aïe! Force dont une méthode plus difficile. Donc je décide de m'engager dans le sujet. RL, es-tu prêt? Parfait. Ok, j'y vais. J'ai moyen d'augmenter par degré mes connaissances, puis d'élever peu à peu mon niveau vers la puissance. Ainsi tout le discours de Sully MC fort. Je veux te voir remettre ton corps. Ne regarde pas ton voisin mais plutôt ma prestation. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Little MC revient plus fort qu'avant, étant principalement les plus grands dès à présent. Je m'aperçois que beaucoup de MC bidons nous pompent pas. Toutefois RLMC il peut se faire que tu te trompes. Oh non je ne pense pas, quoi qu'il en soit nous sommes là. De plus les Little ne font jamais de faux pas. Oui nous sommes pro, remarquez notre show. Ressent le son qui tourne, tu vois notre niveau. Voici un produit underground, subtil. Difficile de faire mieux, voyez-vous nous sommes tranquilles. Nous ne portons pas attention à toute la concurrence. Tous les imitateurs auprès de nous n'ont aucune chance. Donc suivez mon trajet, les Little font des progrès. Je conduis votre esprit dans plusieurs voies désormais. Reste derrière mes rimes, derrière ma démonstration. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Bien. Je m'introduis sur la piste, observez la manière dont opère un spécialiste. Car mes phrases reflètent entièrement la pensée de l'auditeur. Voyez-vous même, nous sommes des pros et non des amateurs. Nous de mon trône, je renvoie les bidons au point de départ. Compare mon style à la plupart de ceux qui sont en retard. Le rap français est bien loin, donc je détiens enfin le moyen d'étonner les médias parisiens. Vous en êtes capables? Nous en sommes capables. Les Little MC à présent sont intouchables. Donc regarde-moi, écoute-moi, reçois le son qui te va. Car les mutants sont à la mode et tu le vois. Lui, c'est RLMC, c'est mon pack. Pas d'alcool, c'est avec le rap que je trinque. Ça c'est mon opinion personnelle, c'est pro, c'est pro. Ah bon? Car je ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Oui j'aime le rap, je m'aperçois que c'est bon. Que c'est bon. Ce public le ressent-tu, mon garçon? Cela fait si longtemps que l'on attendait ce jour. Maintenant il nous tourne autour, autour, autour. Mais qui est-ce? Tous les médias qui nous suivent sans cesse. Oui, celui qu'un bon rappel s'intéresse. Mais je croyais qu'il pensait que le rap était naze. Naze? Écoute-moi donc ces phrases, elles sont belles. Comme le corps d'une demoiselle, comme elle. Le rap et de la poésie, c'est l'essentiel. Même si depuis dans nous entourons, je suis fidèle. Car j'aime le rap, nous les filles et Dieu du ciel. Regarde-moi, observe, mon look est simple. Ma force est dans le MIC, alors je grimpe. Et si tu veux en faire autant, fais le don. Fais le don. Yep, ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Booby shot that, cause my booby shot fat like that. Back in the isn't mentioned, I'm still reppin'. A lethal weapon moving these streets with these aggressions. Speak it like a lesson, fulfilled, I'm dealing with the essence. Still in the field, dealing assessments. I'm in the business of burning bridges, so I can't look back or turn digits or take advice, I'm not concerned with it. I paid the price, I got to earn living. What they told me, I took to heart. If I agreed, I let it stick, if not, I took it apart. Read the last page of the book, first to start. Don't write the hook first without making my mark. If I talk my shit correctly, close friends I'll offend directly. Don't think, write it down where the pen directs me. Put the needle to the record like I'm recollecting. Recollecting time, wrong shit I be correcting. I need the pressure present, shit's a puzzle that I couldn't figure out. But now I see connecting, need the lesson on my Professor X shit. A large professor looking at the exit. I'm out the front door. Make a toast, this is volume two. I treat it old when the drama's new. Go for the throat until the collar blue. What I gotta do. About that, the trash you talk won't matter. That old bogus chatter, the more that you condemn us, it only makes us fatter. When I talk, I know I'm talking for your poppers all around. You know you love the sound, we get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. Oh, it's like that, man, it's like that. It's like that, man, it's like that. It's like that, man, it's like that. It's like that, man, it's like that. Check it. I'm the cherry on the top of your ice cream. I'm the mystical inside your dream. Listen to the way we pulsate the jam. I'm the nigga here with the mic in hand. Styles that we present are just a few to do away with you and your humdrum crew. This is 93 and the shit is real. Black people unite and put down your steel. Ladies, make a forum on your sexual drive. Devoted to your lover and make it thrive. The rhythm's an F, I'm a hip-hop body. Release my energy with the force of a shoddy. Standing on the wall with my polo on. Talking to the girl with the list plate born. Keep the poetry in my black knapsack. Got my Timbo horse and my double mint pack. Hit the city streets to enhance my soul. I can kick a rhyme over ill drum rolls. With the kick, snare, kicks and hi-hat. Skilled in the trade of that old boom bap. I could do a trick with the opposite breed. I used to down 40s and smoke green weed. Now I'm doing shows with half loop down. Now it's time for me to take you uptown. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like this. A tribe called Quest consists of four members: Fife Dog, Ali Shahid Muhammad, Q-Tip, and Jarobi. A E I O U and sometimes Y. C'est toujours lourd. Première édition, Max au microphone. On vient de s'écouter un bon gros classique intemporel, We Can Get Down de Ray Coltsworth, un extrait de leur troisième album studio, Midnight Marauders, sorti en 93. Toujours épaté par la prod de ce morceau, hein, qui contient autant des samples d'un morceau de Big Crosby des années 70 que du saxophoniste Tyrone Washington, extrait d'un morceau d'un album avec Idris Muhammad, ou du classique My Melody d'Eric Ben Rakim, hein, vraiment un morceau que j'écoute et je réécoute régulièrement. Juste avant, c'était Nicolas Craven, un de mes producteurs préférés de ces dernières années, basé à Montréal. Le nom du morceau, c'est Breaking Atoms, probablement une référence à l'album du même nom de Main Source. Et au microphone, c'est Evidence, un membre des Dilated Peoples, un groupe dont je vous reparlerai probablement. Le morceau précédent, c'était Back Nafek de Das FX, un groupe que j'ai énormément écouté dans les années 90. C'était un duo proche de EPMD, ils ont développé un flow bien à eux avec des mots qu'ils semblaient avoir inventés et qui collait bien à leur texte assez nonsense. Ce track, il est extrait de leur deuxième album, Straight Up Suicide, sorti en 93. Juste avant, c'était les Little avec le morceau Ressens le son. Un groupe majeur, hein, des débuts de la scène rap française dans les années 90. J'aime beaucoup ce morceau, je le réécoute aussi régulièrement. C'est extrait de leur premier album, Les Vrais, sorti en 92. La prod est vraiment top niveau, on entend notamment le saxophone de Manu Dibango, ce qui est comme assez classe. Je vous conseille la vidéo live au Francofolie que vous pouvez voir sur YouTube, hein. Dibango était sur scène avec eux. Et puis les lyrics sont assez finement trouvés, vous avez peut-être reconnu le passage je m'introduis sur la piste, observer la manière dont opère un spécialiste, qui sera samplé plus tard par Expression Directe. Et Sully B. Wax, l'un des membres du groupe, est devenu producteur par la suite, avec des artistes comme Steve Strauss, Mafia Underground, NAP, Bustaflex ou même Supreme NTM. Et puis on avait commencé cette séquence avec Pete Rock and Seal Smooth, un autre groupe majeur du rap américain des années 90, avec le morceau Good Life, extrait d'un single du même nom sorti en 91, où figure ce mix concocté par Group Home, le groupe de Lil Dap, qui était à l'époque très proche des géniaux Gangstar, dont je vous reparlerai sûrement dans une prochaine émission. Telling you, try again, sleep with the beast. Then you in the lion's den, still drop dirty. After popping icing, it's our damn day just to get violated. Ever seen a road swift? Babies have babies in a hood like whatever. We gang this bitch together. Once got a hoe and had money for the room, so we did the Humpty Hump in a Burger King bathroom. Low key kept it undercover. The way she slurp slurp, she's the quicker picker upper. No job. Dropped out in a felon on a net, met a fat white bitch named Helen. 300 pounds, made me more like 280. Had a couple babies, 270 give or take it. Called that secure in the bag, had to fight the baby dad. Tried to stop how I eat, so I got up on the sandwich. What's in the dark always come to light. Hair was nasty, you think she had headlights. Why try though bleaching your eye? Put your life on the line, hang them out to dry. Trying to keep my hands clean, out here ride dirty. Shit get messy, mop them up with the 30. High tide, gain off the Irma hammer. Swim towards the current, system trying to drown me. Stain your record like Clorox and Darks. Spin cycle, half four times for one, out the slums. Nobody gave me nothing. Had temptation, so I hustled David Ruffin. Papa was a Rolling Stone, so I sold rocks to him. Beam up Scotty, we got lift off Houston. Left my sack and my clothes, mama just did alone. A ball in my jeans, we say it tastes like soap. When I enter the booth, mop the floor when I leave. Might slip if you do. Cover your ears if you kids. We got round two. Fuck a bitch two times, call it deja vu. Fuck a stripper for some change. Actual change. Dime penny nickels. Actual change. Okay, wanna hear the story? Left the house in a hurry. I was in hunky dories. Got some dance from Lori. Left my wallet at home. Might wanna hear that story. In the car, had change from laundry. Had to wash clothes anyway. Told her I'm sorry. Anyway, before you was born, said give me your moment, jumped on it and bounced. No fabric softener, cause I was hard. Then she gave me head, had me moaning and groaning. Guess who I seen doing laundry next morning? Check. Go sleep like Fanny Lou Hamer. Shine in the dark, living with the plight of plagueis. Don't know if success will bring me closer to an oppressor, or say if he leave the ground as the weight gets greater. Dishing the ego, doing it for my people. Staying on the line like shooting free throws. Eyes froze, heart becomes a bleeding stone. Shit deep like the voice of baritones. Before they call me to the throne, deuce the lightning from my fingertips like yo. The scribble straight on the scroll. What pulled straight from the soul. Drink the elixir from the land of the wizard. With the heat of the bullets, leave you on the back of your north face. In the wind, the wicked in it. Consciously ignorant, a prophet suspended on street wisdom. See the dynamics of reality, truly no different. We living in it every second. Now a minute, the world keeps spinning, bringing closer to the sun. Every stranger, love a sibling, a new period for the universe. We shorten the senses, getting straight to the point, redefining the image, binded and bended to reflect the light. Hungry for life, faith fills the appetite. Truth feels better than being right. Ultimate sacrifice, remain committed. Standing on my own, stepping on my toes, still go the distance in eternity. If I caught a glimpse of a mission, don't make demands. See the journey to the end and claim victor. I'm not a show off. Whatever I do, it's got something to do with my job and meeting my deadline. I suppose that's why I don't have many accidents. And I can recall whenever I did have an accident, I was showing off. Hey, what's the word? I go work with it. That's my bad playing hands on that nerd, nigga. I'm just used to trying to dance and just learn quicker. Shout out, nah, that's again, that's a shirt. Yeah, try to get it out of damn out of dirt with you. I was never by the sand, I'm a curb kicker. I'ma keep it 10 grand down to earth. And try to give him second chance with my first hicker. When I took another grand, when the world lit up. If I take you in that van, you return richer. How I made it through the jam, through the worst winter. How you hated it was chant, how you turned victim. Vindicated cause I stand, it disturbed, nigga. If you shake it, you should scram, go to church, nigga. I know that for every man, but I flirt with her. I'm just talking to the man in the blurred mirror. How come when I'm on the drink, when my words clear? I got tired of being scammed, being hurt bare. Only love me at the bank when the bird's near. I ain't rushing for a thing, I'm a third gear. I remember up the Burke was a lurker. Niggas wouldn't say a blur, get your shirt tear. Niggas finna feel the burn, they deserve tear. I've been sure since my birth, my concern care. What's the word? I go work with it. That's my bad playing hands on that nerd, nigga. I'm just used to trying to dance and just learn quicker. Shout out, nah, that's again, that's a shirt. Yeah, try to get it out of damn out of dirt with you. I was never by the sand, I'm a curb kicker. I'ma keep it 10 grand down to earth. And try to give him second chance with my first hicker. Free, drift away. It's hard to find the words to say. How I float and free. j'pense que j'ai la vie facile. Les filles faciles, l'argent facile. On clip passe à la télé, donc on m'imagine en limousine. Mais j'suis dans le trou, mais sans titre de transport. Et j'ai l'air d'un paumé, personne ne me reconnaît encore. Mes seuls signes externes, richesses, sont mes dents en or. Mais ça, haut en bas porte les marques de mon sponsor. Beaucoup me croient rangé car j'traîne plus tout le temps pour. Traite comme un étranger, pense que j'échange car j'm'en sors. Mais pas comme ils croient, j'suis souvent fauché le soir quand j'sors. Ce n'est que dans 6 mois que j'toucherai l'argent si j'vends fort. En attendant, croise-moi tout en vêtements de sport. En studio, j'mange pas et parfois j'sens fort. J'dors pas, j'fume mes bois, j'fais plus autant de sport. Le métro s'arrête, j'réveille encore dans les transports. Merde, j'n'avais pas une minute à perdre. Et me voilà bloqué dans un tunnel trop mais plus en la gère. 20 minutes face, puis un policier fumé un verre. Rentre en première classe criant, faut évacuer la scène. Un SDF en train d'uriner s'était tué sa frêle. On l'avait percuté de plein fouet, j'en suais de peine. J'ai réalisé, c'était ça qu'on entendait tout à l'heure. Ces bruits bizarres en fait n'étaient que des cris de douleur. La vie n'est facile pour personne. Non. Ouais, la vie n'est facile pour personne. Les contes de fées, ça n'existe pas. Et la chance, ça ne dure pas. C'est juste qu'il y aura dans le futur repas. Pire encore, sais-tu pourquoi on est là? Tu dis quoi? La vie n'est facile pour personne. Les contes de fées, ça n'existe pas. Et la chance, ça ne dure pas. C'est juste qu'il y aura dans le futur repas. Pire encore, sais-tu pourquoi on est là? Tu dis quoi? Ouais, mes amis croient que j'ai la vie la plus facile du monde. Mais si une fois, ils étaient en droit, ils n'iraient pas du bon. Parfois, je me dis, saut des endroits. T'as plus de pression que je j'en serais ravi, mais des enfoirés, Raymond en fait. Mes amis croient que j'ai la vie la plus facile du monde. Mais si une fois ils étaient en droit, ils n'iraient pas du bon. Parfois je me dis, saut des endroits. T'as plus de pression que je j'en serais ravi. Mais des enfoirés, Raymond empêche. Du coup je stresse beaucoup et ça se ressent dans mon tas. Parce que j'arrive en studio et j'ai les nerfs contre mon staff. Ouais c'est pas toujours cool, c'est pas la fête, on n'est pas toujours saoul. C'est pas la fête, on n'a pas toujours soin en poche. Donc on retrouve souvent le Porsche, mais pas celui qui conduit, plutôt celui qui conduit dans le cambouis. Et quand je dis que tout va bien à mes frères, c'est sans leur dire que j'ai pas réussi à faire tout ce que j'aurais aimé faire. Mais mon ami on est fier, alors on garde tout dans nos cœurs serrés. T'sais on est fait pour résister plus que de la porcelaine. Et façon porcelaine on force les forces du showbiz. Ouais on en a la phobie, mais moi j'ai faux bien. Et faut que dise, regarde papa j'ai pas lâché les études pour rien. Et même si parfois je suis inactif, non faut pas croire que je fous rien. Je réfléchis beaucoup, j'ai besoin de rêver. J'ai besoin de voyager partout avant de crever. En plus faut que je finisse tous mes travaux. Y'a encore quoi à construire, avant qu'on se tire. Loin du mauvais œil des rivaux qu'espère. Voir sombrer dans la débauche totale. Parce que la vie n'est facile pour personne. Dans la vie n'est facile pour personne. Des contes de fées, ça n'existe pas. Et la chance, ça ne dure pas. C'est tout ce qu'il y aura dans ton futur repas. Pire encore, sais-tu pourquoi on est là? Tu dis quoi? La vie n'est facile pour personne. Des contes de fées, ça n'existe pas. Et la chance, ça ne dure pas. C'est tout ce qu'il y aura dans ton futur repas. Pire encore, sais-tu pourquoi on est là? Tu dis quoi? La vie n'est facile pour personne. Les contes de fées, ça n'existe pas. Et la chance, ça ne dure pas. C'est tout ce qu'il y aura dans ton futur repas. Pire encore, sais-tu pourquoi on est là? Ouais, je sais pas mon pote, c'est la merde, t'as vu? Ouais, encore. What's the way say? Ouais, pop down. C'est des os, maintenant, pas comme ça. Fais l'homme qu'on appelle Mélopé. Ouais, B2B, dans le même trip, t'as vu? FMB, c'est du bon ça. C'est toujours lourd, très très lourd même, première émission. Et à l'instant, c'était bien sûr deux grands noms des sages-poètes de la rue, Danny Dan et Zoxy, avec le morceau « Facile pour personne », extrait de la Flashback Mixtape 2001, sorti en 2004. Alors les sages-poètes, je pourrais vous en parler assez longtemps. Pour moi, c'était vraiment un des meilleurs groupes de rap français des années 90. Les deux premiers albums en particulier sont hyper solides. Alors à part Mélo Philo, Danny Dan et Zoxy ont tous les deux fait de assez longues carrières de solo, avec des très bons morceaux hein, comme celui-ci, et à noter que Danny Dan a même sorti un album l'an dernier, dont on reparlera sûrement. Juste avant, c'était Mike, écrit en majuscule, M-I-K-E, avec le morceau Man in the Mirror, extrait de son album Showbiz, sorti cette année. Mike, c'est un de mes rappeurs préférés hein, de ces dernières années, il a un flow hyper traînard, très reconnaissable, avec des prods très bien foutus. Il est assez pote avec Earl Sweatshirt, dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine émission aussi. Juste avant, c'était Psychéna avec le morceau Broken Records, extrait de Psychéna 4. Psychéna, c'est la collaboration entre le rappeur Nappy Napa de Washington DC et le producteur Psychedelic Ensemble, basé à Londres. Alors, je ne sais pas beaucoup plus sur ce groupe, mais vraiment, ce morceau, ça claque. Et c'est sorti il y a 3 ans, je crois. Et au tout début de cette séquence, c'était l'irremplaçable Danny Brown avec le très drôle Dirty Laundry, extrait de son album You Know What I'm Saying, son cinquième album sorti en 2019. La prod est signée Q-Tip de Tribe Called Quest, tiens justement, qui fait vraiment des merveilles en tout cas en tant que producteur ces temps-ci, hein, Q-Tip, on en reparlera sûrement. Et Danny Brown, bah voilà, très reconnaissable aussi, hein, autant par son flow que par ses lyrics. Et je pense que c'est pas la dernière fois que je vous passerai un morceau de lui. Vas-y, put that shit on. Quand je bois, je suis un champion comme Noreka. Je suis dans New York, pour moi, je suis dans la méca. Je commence la journée, je passe par le bodega. T'es pas bon pour l'équipe, je dois faire une soustraction. J'ai la chance de le faire, j'en rate pas l'occasion. Quand ça manque de piment, j'en mets de l'action. Je t'ai dit les choses, j'attends pas une réaction. Yeah. Ok. Je suis super vilain et j'ai tendance à être bizarre. Je me sens comme l'agence aéro pour les Wizards. Je suis jeune, j'ai la confiance d'Anthony Edwards. J'en ai rien à foutre comme des Music Awards. Yeah. J'ai les époques qu'il faut, je me sens comme des Towards. 5 sur toi comme Josh Howard. On se connaît pas, mais elle veut que je la rentre. Je hustle avec mon flow comme Terence Howard. Je suis allé plus loin, j'ai sauté la rampe. Parfois avec mon plan, je me sens comme Richard Williams. Les frères avec Assis, c'est comme les sœurs Williams. A chaque fois, je cède, la scène est trop mignonne. On fait tourner des arbres à des petits. Je dépense et je refais instantanément. Elle croit que je vais changer après le nouvel an. Il me faut une nouvelle scène après le nouvel an. Quand je suis dans l'argent, je suis dans mon élément. Je recule différemment, j'ai un nouvel élan. Elle est du Sri Lanka, elle fait du thé de ses blancs. J'ai regardé Blasé, il m'a dit c'est excellent. Sur mon compte, il me faut toujours un excédent. Dans les dents. Oh yeah, Juve grand shit. I'm in the trap with a monklin. I'm for the woozy, we stompin'. Eli with a hash at. Smoke that ops and I pass that. I'm in the can on the scat pack. Bridging in Paris, chain bust down, see the carrots. He was just here, now he left in the carriage. Can't fuck with that bitch, cause that bitch is too average. Oh yeah, go-go, gungo, doo-doo, that. Maybach sign, no scat pack. I'm from a block you can't lack at. Big strong with more tact. He could've shot, but he sat back. 4-5 in a backpack. We drink, nigga, I trap that. I'ma just call the looters. I'ma just roll up a Uda. Fuck it, I'ma just dunk it with Buddha. Ay, ay, shit gon' pop, pop. Lil' bro rollin' up a big eye. Might do a trip, but I don't do no TikTok. Oh yeah, tell him I drink, I'ma beat her. Wick don't fuck with them Ninas. Call bro Stanley, he stay with a scheme. Oh yeah. Quand je bois, je suis un champion comme Noreka. Je suis dans New York, pour moi, je suis dans la méca. Je commence la journée, je passe par le bodega. T'es pas bon pour l'équipe, je dois faire une soustraction. J'ai la chance de le faire, j'en rate pas l'occasion. Quand ça manque de piment, je remets de l'action. Je t'ai dit les choses, j'attends pas une réaction. Yeah. Ok. Je suis super vilain et j'ai tendance à être bizarre. Je me sens comme l'agence aéro pour les Wizards. Je suis jeune, j'ai la confiance d'Anthony Edwards. J'en ai rien à foutre comme des Music Awards. Yeah. J'ai les époques qu'il faut, je me sens comme des Towards. Crow, gungo, crow, it's the ops get low. Crow, I catch a eye by the stove. Diamonds on bling on froze. Boy not gang cause that little nigga told. Clout, no checks beat in the road. Serving these J's not talking about cold. This trap house jumped, this trap got loads. Dump the whole pack and reload. My whole gang gritch, my gang got motion. Stuck in the trap cause the traps I'm chosen. Diamonds on water like they went through the ocean. I'm sipping on rock, I'm sipping on potion. You know I can't lie, can't post where I'm at. I got two clowns, I move too tight. I'm sliding with Wick in the back of the back. Clout, clout, we take off his hat. Clout. Big clout. Zin dans mon rêve, je suis en BM, WGS. Frère, en roue arrière. Et j'accélère pendant que je tire en l'air. Top case ouvert, laisse plein de billets verts. Je compte bien revoir tous les sous que je dépense. Les uns ne sniffent pas de poussière blanche. Traverse le ciel comme le groupe Air France. Je prends le gros lot, même la croupière danse. J'ai dit plus jamais, je m'arrête au stop. Rien n'a changé depuis le magnétoscope. Devant le coffre, je suis en combinaison. Cherche la combinaison avec le stéthoscope. Pas de fausse bretelle, il faut la grosse berline. Cœur froid sans chaud, c'est le choc thermique. Alors donne l'enveloppe quand le show se termine. Choc. Dès que je prends les devants, tu vois que c'est bluffant. Maintenant la bouteille à ma table fait la taille d'un enfant de 9 ans. Passagère resplendissante, frais comme un hiver sans veste en Islande. Zin dans la troupe, y'a que dégradé. On te fait un trou dans le dégradé. J'bois que sec dans le cocktail molotov, dans le frigo du lait, du frozen sans gluten. Ils n'auront ni mon amour ni ma haine, souvent seul comme une pièce au fond de la fontaine. Dieu a un plan pour chacun de nous. J'ai brisé les chaînes et j'ai monté l'échelle. Je fais très peu de sentiments comme le crime organisé dans la cité fausse et haine. Je tourne dans Gotham, je passe le salam. La cosmo-énergie de Bérussam. Monogramme, canal Telegram. Comme Tupac, je veux mon hologramme. De Dior habillé, blessure maquillée, yeux écarquillés, billets éparpillés. Un enfant de la sup, Star of Peak. Suce ma bite en multisyllabique. Des rivières de diamants, des pépites. La paix pour les miens, pour la vermine. Par milliers dans le cœur des épines. J'ai vu plus de violence que Erdine. Ça, comme une forêt, j'ai poussé en silence. Par milliers dans le cœur des épines. J'ai vu plus de violence que Erdine. J'ai vu plus de violence que Erdine, ouais. Toutes les soirées devant le même film. Toute la semaine dans le même jean. La démarche à McGregor. Soir de vengeance qui me dévore. Franklin, Michael, Trevor. La démarche à McGregor, soir de vengeance qui me dévore. Franklin, Michael, Trevor. C'est ton ami, c'est pas mon pote. C'est ton ennemi, c'est pas mon Hobbs. J'ai moins de contours, j'ai plus de bords. Le Airbnb a une vue sur le port. Y'en a, ils disent toujours oui. Ils sont pas gentils, ils manquent de caractère. Fais-moi que des bonnes passes, transversales, coureur à terre. On veut du fric amigo, attire l'arigot. Après le XO, elle a mis l'abricot. J'suis au Mexique comme Chicharito, j'bois un petit Jarritos. J'te double, comme un refrain, j'te redouble comme ma quatrième. Où est Adrienne? Un Renoir au top, j'crois pas que la quatrième. Ballon arrive, j'exécute la volée. Soleil dans ma poche avec des ultraviolets. J't'accoste en survêtement, j'ai la manière. Niska, ni barreau, ni barrière. Rimka, j'm'aère que des AR. Niskan 06. La démarche à McGregor. Soir de vengeance qui me dévore. Franklin, Michael, Trevor. La démarche à McGregor. Soir de vengeance qui me dévore. Franklin, Michael, Trevor. D'une fracture, le fruit du grabuge. Je suis le fruit d'un bourbier, le fruit d'une bavure. Le fruit d'un ouvrier, le fruit d'une rature. J'ai attendu 30 balais pour devenir mature. Ils oublient que j'ai des mauvais penchants, mauvais en sport et en chant. Si on se fait accuser, parle-là profondément. S'ils font enculer, Carla profondément. Mais ce carnal font gaiement. J'espère que c'est le paradis qui m'attend. Mais comme tous les fils d'Adam, gros, je suis sur la file d'attente. Je me suis relevé chaque fois que je suis tombé. On était amoureux et si comblés. Mais comme à chaque fois j'ai succombé, je sais pas ce qui fait que je suis con, peut-être je suis fou, peut-être que je suis. Mauvais curriculum, existence triste. Puis le berceau, j'ai l'impression qu'on était pisté. Je passe pas inaperçu. Ma mère, elle m'a appris à faire plus. C'est pour ça que je fais des interviews, on dirait des interludes. La nuit j'ai les crocs qui poussent et avec ou sans pleine lune. Toujours faut que ça rappe au chromie. Les trois quarts de mes gars sont solides. Débarquer des bateaux maudits, je te ramène cette cacophonie. Comme si c'était hier. Quand les voyous dansaient sur d'autres BPM. J'ai connu des séances pleines de déchéances. J'ai fait du surplace avec des géants. À la base j'étais le plus mignon, vos serres en ébullition. Je me calmais pas sans punition, trouver sa voix c'est une mission. Gros sac, faut que je fasse du cash pour que mamie parte en croisière. Mais je fais du rap, j'ai un scooter comme si je passais en troisième. Eh, y'a le logique, y'a même le woof, on t'emmène à même le hood. Quand on a une angine, on tient à peine debout. Mais on dit qu'y'a rien, qu'on perd des proches, qu'on a des galères de ouf. Je veux brasser comme le petit frère à Jamel debout. J'entends mon blaze au tribunal dans des affaires de poudre. Mais pourtant, je veux les mêmes métaux lourds que les ravisseurs. J'observe la piste de danse, ghetto Yuchina dit club. On a poussé avec tout plein de petits blèmes pro. C'était le système des mais avec la Nintendo. Je rêvais d'un peu plus de thunes, mais je sais que j'irai pas loin avec ma putain de littérature de rue. Bitch. hair to my ass. Do the dash, can you make it go fast? Fuck the fame, all I want is them bands. If she keep on mugging, I'ma steal her man. He watching my behavior cause he know I'm bad. Pussy put a spell on him, he in a trance. I do what I please and you do what I ask. He love my confidence and that's what you lack. If you think I'm stealing swag, bitch come and sue me. They watch me like I'm a new movie. His baby mother is my groupie. We got the club going up on a Tuesday. Like a OMG girl, I'm a beauty. If it don't go my way, I get moody. Nigga flexing on you is my duty. I'm the big dog, my nickname is Scooby. Who got beef with me? Girl, you don't wanna compete. I'm too fast on my feet and you know where I be. Making you mad is my specialty. I'm the petty queen, I need you to have a seat. My dad would drill you like a cavity, and he won't let you win on his strategy. Better think twice when you come for our family. Honey, you're gonna cause a fatality. Can't do no bro code, they give me allergies. But I know they love my personality. Maybe cause I got a nigga mentality. I'm tryna make a million my salary. I might have took an L, but I'm pretty sure nobody could tell. It took me a while to come up out my shell. At least I could say I did it with no help. Bitch, I'm a little savage, I like the real bill. Guess my mama don't like it, she keep raising hell. They know I'm the shit, I wonder if I smell you. Can't take nothing from me, cause this what I built. He say he know me, but it don't ring a bell. Nigga, I'm not buying the dream that you sell. And if you betray me, then you took a L. My pockets fat like that ass, okay, Michelle. Damn, who got beef? I'm tryna find something to eat. If she the op, then bring her to me. I don't give a fuck about her name in these streets. Sit down. Ain't no running up on me, bitch, I'm guarded like I'm an Obama. If they hit you, you gon' need your mama. They got heat, they ain't talking no sauna. Lil' ho, you don't want no drama. Drama. Get the fuck out my way, bitch. Get the fuck out my way, bitch. Get the fuck out my way, bitch. Get the fuck out my way, bitch. Get the fuck out my way. Move, bitch. Get out the way. If you plan on heavy stepping, girl, you better start shape. Hit a pipe and pimp and poker, call me Mrs. Parlay. And I'm carrying these bitches like my period. Why you say I do that shit when I didn't do that shit? Pull up looking like a lick, then I sped off in a Benz. Victoria's Secret, she in lingerie and shit. 2 feet kicking shit, we only just doing shit. Get the fuck out my way, bitch. Get the fuck out my way, bitch. Get the fuck out my way, bitch. Get the fuck out my way. Pussy bitch, get the fuck. Get the whip like Billy truck. Pussy hoe keep starting shit. Blicky make a diving duck. Blicky make a diving duck. Pussy bitches up and make them do the dosey dope. Gone, bitch. I got the clip in a banana, two tone, bitch. I feel like Thanos in this bitch, I'm two stone, bitch. I be like, then I'm gone, bitch. I be like, then I'm gone. Higher than a drone, pussy, hoe, leave me alone. I be on these bitches' minds, in they head just like a comb. I'm too grown, I'm too on, I'm too rich, and I'm too stone. What the fuck is you on? Get the fuck out my home. Instagram, see me and start to stuttering. I'm stomping bitch out in my vest and Timberlands. I'm drinking porn star martinis and my Insta breezy teeny weeny. Yellow polka dot bikini. Wanna be me, you can't be me. Hoes give me the heebie jeebies. Hoes give me the I don't wanna mingle. You know what to do when you see me. No, seriously. Bien lourd, première émission. À l'instant, on vient d'entendre le morceau GFTO de Doechii et Koun Fetish, extrait du très bon album de Doechii, Alligator Bites Never Heal, sorti en 2024. C'est produit par Devin Malik, qui est producteur et rappeur sur le label TDE. Doechii a vraiment sorti un énorme album là, c'est une des rappeuses du moment clairement, sur laquelle il va falloir compter sur les années à venir. Idem pour Flo Milli, dont on écoutait le remix du morceau Beef juste avant. C'était sorti à l'origine en 2015 alors qu'elle avait 18 ans, c'est ce morceau qui l'a fait connaître. C'est basé sur le morceau du même nom de Ethereal, qui est un producteur qui a notamment travaillé avec le label Awful et Atlanta, pour des rappeurs comme Playboi Carti par exemple. Et voilà, en tout cas c'est ce morceau qui a vraiment fait décoller Flo Milli, et c'est tant mieux. Juste avant c'était Inadi Club, Disha et Limsa Donné, extrait de leur album commun Bitume Caviar Volume 1, sorti en 2023. Une production très smooth d'Herman, avec des lyrics bien troussés, des flows bien soignés, et un track définitivement mémorable. Alors pour info, Isha c'est un rappeur belge qui a déjà eu plusieurs vies en tant qu'artiste. Et Limsa Donné, bah, il est actif depuis assez longtemps aussi, même si son premier album c'était qu'en 2015. Avant ça, c'était Infinite avec le morceau McGregor featuring Alpha One et Rimka. C'est un son extrait de son album 888, sorti en 2024. Un gros track, une prod signée JJ, qui a notamment beaucoup travaillé avec Alpha One. Et voilà, des lyrics inspirés, des flows qui se complètent, le track qui fonctionne. Idem pour le morceau Bodega qu'on a entendu au début de cette séquence, c'est signé Le Lidge avec son frère Jules et les rappeurs américains Shawnee Ben Laden et Big Gel Tao, tous les deux originaires du Queens. C'est extrait d'un EP qui s'appelle Juste un enfant du Queens 2, sorti en 2023, et le producteur s'appelle Blasé. Well, I'm fresh, 'cause I'm the best. And I get wild when I'm wild. I never get passed by, 'cause I'm fly. And I'ma put you on hold, 'cause I'm bold. And Charlie Chase will last, 'cause he's fast. And Tony Tone got full, 'cause he's original. The cold crush is on, 'cause we perform. And even in a storm, we'll keep you warm. Hey, crew. Yeah, Cap. We're gonna need a little scratch for the rap now, Tony Chase. Yeah, crew. You're the DJs, what you gonna do? What makes you think so, Cap? Because I look so good and I'm the lord of rap. How fresh? So fresh that when I was young I learned to drive women crazy with my tongue. Now that's fresh. Fresh. Yeah, well, I get wild. What makes you say that, L? Because it don't take much to make me yell. How wild? So wild that when I start to break, hey, you better step back and let me flex. Now that's wild. That easy. Your girl, his mother, and my lady. How fly? So fly, sometimes it seems all I got to do is smile and I get screamed. Now that's fly. Fly. I'm bold. What gives you that impression, K? Because I don't care what nobody say. How bold? So bold, I smack a man with his gun and kiss his woman, this is mother, and don't even run. Now that's bold. Fly and bold, and we'll be that way till we grow old. For the rest of our life, as long as we live, we'll keep using those adjectives that do describe the heartbreaking tribe that do permit us to go with a musical flow that makes you stay home with a fresh rap style to make you go wild. Cold crush us good in the cut, and if you don't believe we're real, then touch us. The cold crush, cold crush. Cannot break, so they get raw. But a biter can't do a real rapper's job. But if you're hard-headed and you still think so, being with the three. I'm sure you'll call or us when your ear is in need for a treat. And if you don't know the case, that's who you got to meet. I'm fourth in line and in due time, and every rapper in the business will know that I'm serious about this, and I don't play. I told a sucker MC that just the other day, 'cause I learned the ropes and paid my dues. I'm going for the gold, no way that I can lose. It's easy, ain't D, that you wanted to be. Ever since you saw me MC, you wanted to be fine, to learn how to rhyme, even wanted your brain as long as mine. But the rhymes I write are a real delight. If you're a true MC, you would not fight on me or them. Just sit down and ride around with your mind, pay for all pen, but you can't, so you don't. You will and you won't take heed with speed and read what I wrote. When I'm on the stage, I go a little berserk, start breaking, flaking, you know I do work. I try to get you on mine when I deliver my line, 'cause it's about making rhyme. Like no one else can decide, I do everything I can to make myself better. Live on a steady diet, the stage is in meta. New all the celebs, and when I'm in the crowd, they surround me like the press, scream my name out loud, say, yo, JDL, what's happening? Where have you been? When are you rocking again? And when I'm bopping away, I hear a lot of them say, damn, I wanna be like the L one day. So many biting MCs, you're all a pain in my neck, huh? They should be sending me your royalty check. You just bit my rhyme, didn't pay no tax, copied the music from someone else, put it on wax. I'm mad as hell, 'cause it's bound to sell, and you be biting what I'm writing, and people can't tell. You change it around, disguise the sound with no prior desire to write. That's why I frown on those of you that don't strive to be original and write like the captain do. Just put your teeth away and try someday, and you can quote it 'cause I wrote it only yesterday. I miss my guess, I'm the best, oh yes, because I wrote the test. Wow! Honey child on the top of the pile, once in a while, I crack a smile. Fly! You know why? 'Cause till the day I die, I'll always be the guy. You won't pass by. Boom! So cold and so hard to hold. And when they made the cold crush, they broke the mold. Ha! Huh. Man, let's get out of here, it's Miller time. Word! Huh. That's what he was doing, and doing it swell. It felt so great and oh so good. He rocked my body like a real man should. He had me in a trance, you know I was loving it. Felt so good the way he was rubbing it, kissing my lips and sucking my neck. He had me, so him I had to wreck. I got busy and downright freaky. Our bodies were sweating, let's don't forget leaky. Up and down, down, up and around. He tried to front, but I heard a sound. His heavy breathing giving me the chills. He was being satisfied and he was loving the thrills. I was feeling sexy and a lot of passion. He said, yo, it's cool making love in this fashion. You're a wild thing. Up on the bed, down on the floor, screaming and scratching and begging for more. The room was so hot, our bodies in heat. He bit me gentle, I kissed him sweet. Wild like two beasts, doing the do. Crazed like an animal, it's feeding time at the zoo. I know you're hungry, come on, continue. I'm gonna fill you up, just look at the menu. He gave me some tongue, the man was delicious. On a health scale, he was very nutritious. I didn't have to beg for him to push it good. Didn't have to say a word, 'cause I knew that he would. Calling out his name and pounding like a drum, drooling from the mouth, and he was ready to I was feeling sexy and a lot of passion. He said, yo, it's cool making love in this fashion. You're a wild thing. Cooling on the floor, laying in his arms, surrounded by lust and thrilled by his charms. Touching and feeling and full of romance, threw on the slow jams and proceeded to dance. Stepping on his toes and holding him tight, 'cause my knees are feeling real weak that night. See, you learn to do it well when you get a little older. Got to throw those legs up over the shoulders. He was freaking my ears and making me wet. This was one nasty moment I will never forget. He did a slick lick up the back of my knees, switched it up to the front and started to tease. I kissed him on his cheek and then on his chest. Got busy once again, 'cause ain't no time for rest. I was taking it easy and rocking it slow, and the rest is history. But I think you know I was feeling sexy and a lot of passion. He said, yo, it's cool making love in this fashion. You're a wild thing. mesure.私は信仰を持って生きているだけで、無論それにおいて学ぶというスタンスは常に欠かせないことではあるけども、だからといって宗教学者ではない。で、私は少数派の変わり者かもしれないけれど、浮世離れの聖者じゃない。もはやヒップホップというこの文化は今ではどんな宗教よりもでかい。で、私は人々が例えば眠っていることの無意識や偏見のイメージを壊すことを望んでいる、ある意味ではテロリストだが、いわゆるテロリストではない。で、また私はタトゥーがあるからといって別に不良でもヤクザでもないけども、人生という意味では道は極めたいと思ってる上では極道かもしれない。 あ、無常、この世は無常、全ては選ぶ道、Choice is yours。 あ、無常、この世は無常、私は気がついた、ハンミルだ。あ、無常、この世は無常、全ては選ぶ道、Choice is yours。ああ無常、この世は無常、私は気がついた、ハンビルラ。 今まで歩いた道のりはもしかしたら地球を半周するよりも長いが、これで悟ったと決して思わない点でも、ある意味私はバカかもしれない。デジタルの速さで傍観がまかり通る資本主義のいわゆるニヒリズムの中で、本当は自分だけで精一杯なのに音を奏でる私はアナログかもしれない。時代に逆行して流行さえ追わず、コンパやスマホとは程遠いが、独自のやり方とコネクションで世界を変える私は反逆者かもしれない。今も血清を収めながら法律を守り、今日も生かされてる善良な市民であるが、地球平和を望み今日も反戦歌を歌う私はある意味非国民かもしれない。 あ、無常、この世は無常、全ては選ぶ道、 Choice is yours。 あ、無常、この世は無常、私は気がついた、ハンミルだ。あ、無常、この世は無常、全ては選ぶ道、 Choice is yours。 あ、無常、この世は無常、私は気がついた、ハンミルだ。 Asking who did it, it was probably me. I'm always in some shit, nah, you don't wanna be me. I got a bag full of goods and I got it for free. Got eyes on your property, cheat a monopoly, G. They know I'm shiesty, but slyly they don't like me. I'll leave them with zero like the dice reads 5-3. Pillow over their heads if they try sleep. I'm trying to get my money and heal, no tight leash. Time waits for no man like TikTok. They're fishing a barrel and this barrel holds 6 shots. If it's war, I'm like 50 to this Rick Ross. Your baby's mother at my house in her flip-flops. Ah, on some modern Sun Tzu shit. I'm trying to fight smart, I ain't talking kung fu kicks. You're on some I don't know you, but still I love you, bitch. I'm on some treat that girl better, so she dug you, bitch. I've been up, then I've been down when my luck changes. I've seen a whole lot of thick lips and bust faces. I've been slipping, I've been nicked and I bust cases. Live a real life, I'm tryna upgrade it, upgrade it. I've been up, then I've been down when my luck changes. I've seen a whole lot of thick lips and bust faces. Vicious circle, I've been stuck ages. I've took risks, took L's, cut losses, now I'm up. I catch charge and then I breach bail after I'm released. I'm a disease, when I was born my mum asked for a receipt. I tell lies and I'm sly, sweep the carpet from your feet. I'm just tryna wipe the chick that sees past through the deceit. You don't know me, dirt on my hands, stains on my stony. Belly burning to go and take what they owe me. Nothing to lose, so I'm trying to take everything. They said I'd never win, I'm at the finish with a Cheshire grin. 5-finger discount, 6 cents, 7 sins. All in the mix on my trip towards better things. On my slime, still I'm flying, no feather wings. Throw stone at a glass jaw, brick at a metal chin. Cause no, it's not an offer, I'm on my job off my rocker. Wilding, playing grown-up cops and robbers. Might as well fuck the world now and never call back. Find a thin line and walk that until I fall flat. I've been up, then I've been down when my luck changes. I've seen a whole lot of thick lips and bus faces. I've been snipping, I've been nicked and I bust cases. Live a real life, I'm trying to upgrade it, upgrade it. I've been up, then I've been down when my luck changes. I've seen a whole lot of thick lips and bust faces. Vicious circle, I've been stuck ages. I've took risks, took L's, cut losses, now I'm upgrading. I tell you, she was fine, Holmes. A whole diamond, I was acting like a rhinestone. My mind blown when I learned how she felt. Shorty loved me for myself when I was trying to be somebody else. A damn parody. Forgive me for my insincerity. Those times when I was spending night was like therapy. No matter where I was in life, you was there for me. Stayed on my head, so I tried to tread carefully. Now that I can see it all with more clarity, if I could go back, I would probably ask you to marry me. But first I tighten the emotional security. Try not to act as if my presence was a charity. Found a soulmate out of a crush. Deeper than that puppy love on the back of the bus. We had it all but was lacking the trust. And rather than fix it, I used to kick back, yak in the Dutch. You gave me my stuff back in disgust. Remember sitting on your steps and you was like, damn, what happened to us? Even tried patching it up. Went from chilling daily to once a month. I really thought that was enough. Couldn't have been a bigger clown to keep moving how I was moving, assuming you would stick around. Sometimes my own self has been my arch nemesis. And believe me, I had plenty time to reminisce. One thing I learned is life is continuous. Stay strong even when it gets tenuous. Remember this, what you love can go away if you don't make an effort. Cause now dreams and memories is all I'm left with. You know what I'm saying? Vous écoutez toujours Lourd, à l'instant c'était Lost Love de Your Old Rogue, une prod de Nicolas Craven dont on parlait tout à l'heure. C'est extrait de l'album Yod Wave sorti en 2022. Your Old Rogue, c'est un très bon rappeur de Brooklyn, hein, d'origine ukrainienne. Alors je vous garde au chaud un de ses tracks avec Edan, qui est bouillant, ce sera pour une prochaine émission. Juste avant, c'était le morceau Sick Clip, par le MC anglais Dat Kid, associé au producteur Illin Form. C'est extrait d'un album qui s'appelle Wakmo, qui est sorti en 2019. Le track précédent était signé par le légendaire DJ et producteur japonais DJ Honda, avec le rappeur Big Joe en featuring, et ça s'appelle The Vanity. Juste avant, c'était le classique Wild Thing de Too Much. Too Much était un duo de Brooklyn, Le Sean et DJ Shortcut. Ils ont sorti ce morceau en 88 dans lequel ils samplent Grace Jones, et LL Cool J en a fait une reprise avec le morceau Doing It en 96 dans lequel il avait invité le Sean. Et on avait commencé cette séquence avec les légendaires Cold Crush Brothers et le morceau Fresh, Wild, Fly and Bold, sorti en maxi en 84, leur plus gros succès commercial, mais qui aurait pu être encore plus énorme si elles n'avaient pas été victimes d'un différend entre les labels Tough City et Profile. Okay. Yeah. You know what's up, nigga? My team. Living this American dream. Fucking games, nigga. Machine, bitch. Griselda. DJ Premier. You know this. Look. I don't beef on the internet, I approach you. I ain't shooting five with a nigga, I gotta smoke you. My dog said his box just landed, he got his load through. Drive-by music, this shit he can pop his toast to. This chopper smoking it, adios you. My buzz by a coastal, took the game over like I supposed to. I'm in position you cannot get close to. I got shot in my throat, still got four classics at my disposal. And the bitches admire my ways. I was wildin' inside of a cage, now I set fire to stage. Every verse recited his wave, and I ain't writing a page. This nigga out till I lie in my grave. Cook the white up in the microwave. You at work trying to get holiday pay. I'm on the island for days, getting money like Big Meech 06. This Griselda DJ Primo shit. Hey yo, Rich Law, poor law, read the headlines. 04, me and Sheen Gun was packing dimes. coke spot, I had at least 100 in the line. Sell another brick and we cop a twin five. Ayo, out of Daytona, Rolex Daytona. Fiend hit it once, fell out into a coma. Sean Elliott, Mac 10's out the Rover. Might shoot 32 times for the culture. Niggas back a boy, rock a lover boy. Undercover, they put turn the oven on. It only had two bodies, I put another on. We sold 1,000 bricks after summer gone. Drive in 45 with the potato light in the right hand. Die in, first the burgers flow on the high end. The prices won't drop unless you buy 10. Hopped off the Lamborghini, girl, it's like Godfish. In my cell reminiscing when I used to time pitch. The rhyme sick, K in the bench ain't Wayne Trich. How you doing, fly guard, same shit, bigger back. Cocaine killing it with the Dilla tag. Law, poor law, read the headlines. 04, me and Sheen gone was packing dimes. Yeah. Coke spot, I had at least 100 in the line. Sell another brick. I skip town with the money, my bitch the accountant. You ever try to board a plane with a brick in your outfit? You know I work hands on, had to sit in them houses. Learn from real drug dealers, not from internet browsing. Who cook the food in the kitchen that they filling their mouth with? Me. The head of West like Dion when he split with the Falcons. Look at me and see a vision of Malcolm. Yeah. Slightly grinning, but long as we keep winning, I could live with the outcome. Drake had Rihanna, Mike had Madonna. What else? But I drove a few bricks through the Carolinas. Woo. It's true that they underestimate you when you're modest, so I'm frontin' on them every chance I get, to be honest. Never ask about Griselda, they tell you that we the hottest. Flip wherever I can sell you, cause failure won't be an option. Yeah, I sold a block together like a seamstress, like a seamstress. And I live to rap about it on Supreme shit. Rich, let's go. Poor Lord, read the headlines. 04, me and Sheen gone was packing dimes. Coke spot, I had at least 100 in the line. Sell another brick and we copy twin fives. The proper way to say it, but only if I can. The proper way to say it, but only if I can. The proper way. The proper way. The proper way. The proper way to say it, but only if I can. Yo, now everybody welcome me back like I'm Carter. It's 90s ugly, I'm in the mirror like Shubba. America's most blunted, Cheech and Chong say I'm done, da-da. A bounty hunter for the sour, I'm a hit your hood, I'm in pocket, how I get around. I'm on my toes like a midget in the urinal. Whoever your connect, boy, better tell him. I'm looking for that killer, I'm trying to catch a felon. I'm looking for who's selling, Mary Cook in my cerebellum. I pin and tell him, my artist war, Machiavelli. By day seven, see what you're smelling is me and Helen. You see that seven or seven C's, call me Magellan. Or call a reverend, Mac 11 to split your melon. If that don't get him, a honeydew in a split second. America's moat, put us both in the spoke section. With no sticks and no seeds and no exceptions. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Now everybody say, da da da da da. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it. Yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Big City Smack. Blunt brothers, you got the herb, the blunt covered. You came to beef with a butter knife that don't cut it. Just cold busted, wild style when I cold crush it. The Gilla House got a Gilla Monster, cold blooded. You already, I run with Reggie, I don't puff it. We like De Niro and Joe Pesci, but low budget. Bunch of buzz killers, buzz buzzers, they asking how you do it. Ain't no Nike to hey, it, yo, I just I does it. Granddaddy and I'm listening to Bob Marley. I tear the roof off the Porsche like it's house party. Go. I got the new edition, that green homie, it's a killer. Ralph, Ricky, Mike, Bobby, Ronnie, and Johnny. Woo. Niggas say they got gas, but it's all gas. They talking like a podcast, nigga, all ass. I never share and I don't pass the clip, cause that shit on his lip got some shit on his lip, nigga. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Now everybody say, da da da da da. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Brick City Smack. And yo, this weed I got, bruh, I swear on my mama I can see the future. The hood say I got Kushra diamonds. I'm at court in marijuana pajamas. The judge said, you smoke bud? I'm like, yeah, your honor. I got the plug, so my homie got it on the low. Cause I'm looking at your O's, nigga, like, what are those? I got a party in LA. If I run out of bud, I need more like Rudy Ray, nigga. Nah, in my French, I'm so international. This is Doc and Mel, Jim Fumet, Sacre Bleu. skunk on me. Mon ami, pet le pew. Call your nephew if that's how I get me yep with you. This is Vex only. More energized, no rest for me. No positive without negative, more or less, homie. The best bud in the west on me, no stress on me. Protect your neck, cause me and Brody got next, I'm homie. I'm like, yeah, you know I roll at. I'm like, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Now everybody say, da da da da. I'm like, yeah, you know I roll at. I'm like, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Big City, Staten Island. Con il giornale. Con il giornale. Jeune hustler, visière tout le monde dans le cluster. Grosse pinte de ligne, R.E.P. Chad Butler. Problème manteau et peine de cœur. Flash dans le manteau, allume une feuille pleine de fleurs. Sprite bourré comme un teufer. Je connais des bouts outillés comme les Ghostbusters. XX Files, Vesky, Scully et Mulder. Steel fly comme un point de coke. Jack, je reste high avec plein de smoke. Underground comme une onde sismique. Protège ton âme dans ce monde mystique. Il en faut peu pour que ça se complique vite. Tu peux te faire piéger, liquide suspect dans le cocktail. Réveillé dans une chambre d'hôtel qui sent les fluides corporels. Des histoires brusques, j'en ai plus que Edgar Allan Poe. C'est pas la pauvreté, mais la folie qui nous colle à la peau. T'as mis du Louis V, tiens-toi à carreau. Ça passe de la sacoche au sac à dos. Remballe ta taupe, charcle au sac à rose. CMC sort d'un placard rose. Ça se sous ouvertement, je me demande comment c'est bat ta hose. Reconnais quand les vrais cafards posent. Attire les milfs qui pop du à tarax. La queue dans le coquillage comme flagados. Ces types me passent le mic comme on passe un balai à un lion pour qu'il nettoie sa fosse. Le voisin plainte sur tes côtes sans faire de face à face. Pourtant il s'écrase dès que vous êtes l'un face à l'autre. Les keufs tournent comme une broche avec des chamallows. La wax transforme ton cerveau en gazpacho. Oui, cheesy comme un plat de nachos. Souligne, j'avance comme une tortue des Galapagos. Stylo Timberland parce que j'écrase ta prose. Crash comme infamas sur infrabasse. Un seul gâteau, 15 rapaces. Fini flingue ramasse. Faut bien me halas. Rap suprême écrit dans un palace. Reconnais le one à la bille. Je veux peser comme le roi d'Arabie. Chacun sa clé, on peut pas faire des doubles. Cuisine cette merde et touille. Le produit est vrai, pas besoin de mettre des touilles. Tout droit, sans faire des tours. Gère le charbon, gère les cours comme un top boy, gère les tours. Pourquoi les pointeurs prennent moins que les vendeurs de drogue? Pourquoi je suis comme Jack, un éventreur de prod? Pourquoi ils font les clowns, bandeurs, chanteurs de pop? Je dirais à mes gosses, fuyez devant l'agent. Vous étouffez pas avec vos grosses cuillères en argent. Hein, laisse ma division faire la diff. Négatif, anti-frère factice. Mon plan se déroule comme un préservatif. Bébé, prends ta ventoline, je t'emmène à Santorini. On peut louer des scooters ou un Lamborghini. On veut s'engraisser et pas faire des diètes. Rallume le chalumeau quand le fer est tiède. Je pars direct avec le directeur. Gère les dièses sans intermédiaire. Charbonne comme une chinoise. Je remplis le grimoire au bled dans une jeep noire. On va le faire la vie de Wam. Paris Sud jusqu'à Aubert, je suis là, j'opère. Je veux l'argent Julia Robert. Que le cash, on passe plus par notaire. Je pesais des tonnes, j'ai deux téléphones. Je suis pas bénévole, bas les couilles. Quel été se fait des formes. Je suis enfoncé dans la jungle pour cesser de penser à cette douleur. The heat is getting hotter like the fire below. Yeah, I'm about to lose it, man, I've seen it before. About to hit the limit, watch my lid it explode. So now I'm going, going, going, get back to California. Cause I've been all around and all the rain, nothing for me. I'm flipping over tables at my local saloons. I'm on the hunt for something nice to give me high as the moon. No, I ain't got time for a decline. And I'm fine with the fact that I ain't fine. If you see me, come on, keep on running, shit is shit in the flow. The heat is getting out of like the fire below. Yeah, I'm about to lose it, man, you've seen it before. About to hit the limit, watch my lid it explode. And now I ain't got time for a decline. And I'm fine with the fact that I ain't fine. Let it go. Beat up, bum, bum. Run into the night we come. Beat up, bum, bum. Follow if you want, be one. Want, be one. Yourself, cause you was too busy chasing my flow. I'm chasing my dream with my team, we making it grow. Ain't no escaping this here, life getting high when you low. But I feel amazing, they tell me I'm destined for greatness. I'm focused, not racing, going hard on a regular basis. Benjamin Franklin's dead president faces. In my pockets, some murderers behind a pen like correctional stages. Pressure ain't nothing but pressure, that's them testing our faith here. We all witnesses to hell on earth, heaven's awaiting. And I'ma walk the gates, walk with faith. But until then, it be the Nazi dread with the dirty hands going. But stay rational, spreading love through this music we making, it's all natural. Beat up, beat up, bum, bum. Run into the night we come. Beat up, beat up, bum, bum. Follow if you want. Pussy poppin' with the church's Pentecostal candy painted. New Impala spinners on it, plus hydraulics. Niggas knockin' sweatshirts, pickin' pockets small. Hoppin' rent and coppin', we ain't got no fuckin' options. When the summer drop, I'm in my other drop. From beanies to buckets, $100 in my polo socks. Remember when summer drop, we was at Uncle Spot. Three niggas with nothing to do but wrestle and slap box. Back when the summer drop, you would cut me for practice. By ninth grade, my 360 waves was splashing. Saving up the cash to get some FUBU that's platinum. Fat boy with braces, A1s and glasses. When the summer drop, I wanted to make beats and rap. My big brother said I need the MPC for that. Next summer, I was cooking up an Easter batch. Egg salad sandwiches, I used to fiend for that. When the summer drop, I got cash, then blew it that hot. Back on tour, I guess I'm going overseas for that. When the summer drop, pussy popping with the church's Pentecostal candy painted. New Impala spinners on it, plus hydraulics. Summer drop, niggas knocking sweatshirts, picking pockets small. Hopping, renting, copping, we ain't got no fucking when options. When the summer drop, I worked at the barbershop. I swept up the hair from under the chair, couldn't talk a lot. I saved up the whole summer, that's how I got school clothes. I bought some Pumas and some fake chains, that was fool's gold. My nigga, what you know about those hot summers? No air condition, my niggas got rare ambition, but pain impaired division. I done lost so many homies in summers, I cherish living. Nobody cared to listen, they suffer from their decisions. Never hit that 7-Eleven on Bennett Road while wearing them trendy clothes. Pick up niggas like gimme those, tis the season. They robbing and scheming to knock your block out. Just make sure you safe when it's hot out, nigga. Niggas knocking sweatshirts, picking pockets small. Hopping, renting, copping, we ain't got no fucking options. Pussy popping with the church's Pentecostal candy painted. New Impala spinners on it, plus hydraulics. Niggas knocking sweatshirts, picking pockets small. Hopping, renting, copping, we ain't got no fucking options. Pussy popping with the church's Pentecostal candy painted. in the zone and bust our darling summer drop. Placing heat in each crease of the beat through my mouthpiece. Inhale, pull, exhale, release. Come on, black, please ease up. You can't relate even when I say it in plain English. Your fiendish behavior gotcha stuck on this biz like vapors marinating in disorientation. Still can't make sense out of me. Mentality or application of technique forever shall constantly expand, leaving suckers stranded one step behind the program and incomplete. Nah, you ain't frontin' on the article, don't. Damn, it's hot, gotta drop the scroll. It's coughing smoke, pause, react, slow. But still, got this rhyme flow by the throat. Pioneer of irreg concertos that compose part of a blossom that grows twofold times ten, stimulating to the women and the men. So y'all above all, first of all, my mission is to be clear. Secondly, slide over so my brethren can slide up from the rear. Can't make sense out of me. Musically, that speaks for itself, disorientation. In case you don't understand, disorientation. Musically, that speaks for itself. Still, got this rhyme flow by the throat. Live like wet fingers in the socket. When I let those fly like flags in the wind. On this way, they impact every aspect of my projection. Imports direct thoughts that leapfrog with phrases. Betrays no hint to agonize. Effort will beam. It can't be no other. The upper cross exalted, start in the frame. A stud like diamonds. You barely a big fish in the puddle, grabbing the mic with no fingers. Reaction. Of fusion and fission in collision. Stepping up like a podium, thinking you dope. Your residue, I rinse like soap. Leaving out enough for you to shove under a fingernail. Rubbing me wrong, got carpet burn. Slang like Selena, crushed like croutons. Cut up competitors like coupons. Dry as a bone like a desert who misses the rain. Semblance, I enjoy spraining my foot. Dancing on your ass. I'm neither violent nor lily white. I just prefer to get like Ben Hur and run you over tracks like chariots. Ignorance is high, as if it reached eternity in airborne. Weak minds are in flight, a sentence goes on. Lies converge, hearing is receiving and open like pores in every orifice. Equilibrium and vertigo shifty as two-legged tables. Disorientation, brown, a color of sound, a burnt bridge. Musically that speaks for itself, the blank slate, the fire spitters. Fire spitters. Musically that speaks for itself, disorientation. In case we don't understand, disorientation. Musically that speaks for itself. Still got this rhyme flow by the throat. High priest, extracurricular, illustrator, fucker president, nominate priest for dictator. Separate you like binary fission. Envision division of good and evil. Believe that you will perish if you don't choose. Confuse over which side of the crater will the creator place you. In case you don't understand, remember Iraq, remember Iran, remember dismembered bodies and MCs and SPs melting at ground zero. Adjust your vision, grand exquisite, lyric, verbalizer. Witness the fire, break down rhymes to enzymes in my saliva. Deliver, I'm the liver, futuristic describer of cities enclosed in plastic bubbles. You spell trouble, P-R-I-E-S-T, my E-S-P, harder than SP-1200 snare taps over bear tracks, snap like bear traps. Did you hear that? You weren't listening. In case you don't understand, ignorance is high. You can't relate even when I say it. It's like that, you know it's like that. Bustin' with the fam, goddamn, they're up the block. I got it him, now you never get the mic back. Bustin' with the fam, goddamn, they're up the block. It's like that, you know it's like that. Dangerous with your one, two, check. Never get the mic back. I got it him. Man, Memphis, the microphone mechanism from inner city curriculum to cut a net for heads like circumcisions and your mentals on them slyer than stone. Basic instincts like shaming stone, pockets puffier than combs. Calibers now berated, race supreme elevation. Flyer than aviation, plus freaky as dominatrix. Dramatics are manifestors, thoughts spread it like infection. That pentacle of perfection, brain run on fuel injection. Cyphers are intercepted like plays by quarterbacks. Bear witness to the fitness, I be legging on the wax. Compositions be causing calamities rapidly. What MC would dare take a stab at the vocabulary mastery presented? Retention extended through illa style invented. Brain cells excel like V6 engines when I be entering. Chromatical vortexes twisting like Rolodexes. Cortexes randomly selected. Ran like red lights by eager paramedics. Majestic verbal fragments, tactic graphic that wreck more havoc on niggas' cabbages than semi-automatics plus automated. But never faded, datum kicked in verbatim. Related to hip hop. Stereophonic or mono, my lingo tingle topics revolves around science of optics and pulses. It's nuance, scripts of glitters like diamonds or sparkle like magnesium. Premium equates to medium, which blows me up like helium. Histionics provided, pumped up more jam than technotronic. Priming more toxin than hydrocarbon and dioxin. Rupture rhythms with coarse precision. Deleting jumbled diction, I rips it in repetition like shallots in Hinduism. It's like that, you know it's like that. Sunny, muggy, or foggy, was it ready to storm? It was torn. They taught us to go and shoot for the skies. The shot, the only place where the sun and moon will collide. Views will collide, words is thrown, shooters will ride. The real ones that are locked up cause you could choose your demise. Pac said it best, feed a man just a view from your eyes. The whole world is Judas disguised. The city stay heated. How could Philly trust one soul on this earth? Even Judas betrayed Jesus. Greed was the main reason. Via money and temptation. You ain't got aid and everything is teasing. I saw a man bleeding, struggling, fighting for life. The light from Christ, he sure as hell seen it. The whole world was grieving. To live and die a moment of time. The art of life was the grand design. Grand design. I got war, but war plenty now. I got war, but war plenty now. I got more but want plenty now. Money they gotta give me now. Passion is all I had, it's the main reason. I got more but want plenty now. Money they gotta give me now. Passion is all I had, it's the main reason you hear me now. I work my ass off to get in these shoes. I blast off and you will kill just to see these views. I took more L's than W's. People claiming they fuck with you all the time. It's fake love coming from right in front of you. First they love you, then they hate you again. Just to love you one more time, it's just the way that it is. This the life pamphlet, God wisdom and understanding. And if you live with the prayer, the serenity is granted. I'm damaged, the trauma by way of the eyes. It's the shy, the theme song is always staying alive. It's the place where everybody robs and everybody eats. Everybody starves and everybody cheats. It's bedlam in the streets. Cause everybody digging for love is buried below, is hidden underneath the grand design. Grand design. I got war but war plenty now. I got war but war plenty now. I got more but want plenty now. Money they gotta give me now. Passion is all I had, it's the main reason you hear me now. C'est toujours lourd, première émission. On vient de s'écouter un rappeur de Chicago qui s'appelle Fillmore Green avec le morceau The Grand Design. C'est extrait de l'album du même nom qui est sorti en fin d'année dernière, un très bon album que je vous recommande. Juste avant, c'était le classique Rugged Rough de Bahamadia, extrait de son album Collage sorti en 96. Un morceau produit par DJ Premier avec notamment un sample de Nas. Alors Bahamadia, c'est vraiment une de mes rappeuses préférées, toute époque confondue. Je trouve que son flow reste inimitable et je la réécoute régulièrement. Juste avant, c'était les regrettés Antipop Consortium, de mon point de vue, un des meilleurs groupes américains du début des années 2000. Hyper inventif, je leur aurais bien prédit un destin à la Wu-Tang du futur. Mais bon, voilà, ça a un peu explosé en plein vol après deux albums. Ils ont fait un retour en 2008-2009, ça a pas duré non plus trop longtemps. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que M. Saïd et Beans continuent chacun des carrières solo qui méritent d'être suivies. Juste avant, c'était bien sûr Summer Drop, la rencontre entre Cordae et Anderson .Paak. Un morceau que vous avez sans doute entendu des dizaines de milliers de fois. Un truc léger, presque anodin. Oui, mais voilà, bah, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais on s'en lasse pas. La prod de J. Cole est vraiment incroyable. Et c'est extrait de l'album The Crossroads de Cordae qui est sorti l'an dernier. Le morceau précédent, c'était Bum Bum de Dirty Heads avec un featuring de Villain Park, sorti en digital en 2020. J'ai pas vraiment choisi ce morceau à cause de Dirty Heads, qui est un gros groupe californien multi-style que j'écoute pas trop, mais plutôt à cause des trop rares Villain Park, hein, un jeune groupe de Los Angeles que je suis depuis son premier EP en 2015, que je trouve excellent. Ils ont sorti un seul album en 2019 et pas grand chose depuis. Avant ça, c'était XX Files, un morceau de Jungle Jack et Alpha One, extrait de l'album de Jungle Jack Jungle des Illusions volume 2, sorti en 2024, un super track avec des paroles qui claquent bien, serait dommage de s'en priver. Le morceau précédent, c'était bien sûr l'indétrônable duo de Redman et Method Man, avec le morceau La La La, extrait de l'album de Redman Muddy Waters 2, sorti en fin d'année dernière. Alors bon, cet album, c'est pas aussi bien que son classique Muddy Waters, hein, sorti en 96, mais ça s'écoute quand même très bien, et Reggie Noble, ça reste une voix qui compte sur la scène rap US. Et puis on avait débuté cette séquence avec Headlines de DJ Premier, un morceau dans lequel le légendaire DJ producteur et moitié de gangstar convoque la nouvelle garde représentée par le label Griselda bien sûr, avec Westside Gunn, Conway the Machine et Benny the Butcher. Une rencontre au sommet orchestrée en 2019 est plutôt réussie je trouve. Et puis bien sûr on reparlera de Griselda prochainement vu que ce crew survole complètement le rap américain depuis déjà pas mal d'années. On arrive à la fin de cette émission, merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé. On va se quitter avec un dernier morceau, NKDGLG, des rappeurs palestiniens Shabjid et Al Nazer, extrait de l'album Sindibad Elward, sorti en 2019. Allez, à bientôt pour une deuxième émission. نكد قلق يا خي قلب معدي وانا مثق بحد غير بربعي ومنها بالموت لو جان المطرون يحط عيني بعني ننزل بعني ايه وظل بدعى بيطيني حراسي ولا تشوف العز تعال شوف عروسي ومنها بالموت لو جان المطرون يحط عيني بعني ننزل بعني ايه بس ولا ايه بس ملا بسم الله بس بستعمر باسم الدير بس بستعمل بشتلي اشكر بزرع فيك يلا ولا بداش تقدي مش رح نخسر لو شكلي مبيع نحضر نرب الدين جايب صاحبك كرب الدين طارة خلفي فرق بين اي مطفن وعضاء اللي طارة فرق الصين خلني بفرق زي الخارة تطلع بالعالي وتلبد لي لو زي كان احنا نسلي يا وي يا وي يا وي يا ويلي علي الشاب شفاه بنحكي فيه بس خلو في حاله الشاب شفاه بنحكي فيه ولا تشوش تعبنا عليه نم متأخر كن بالليل كن بالصبح انا نكد قلق يا خي قلب معدي وانا مذاك بحد غير بربعي ومنها بالموت لو جان المطرون يحط عيني بعني ننزل بعني ايه وظل بدعى بيطيني حراسي ولا تشوف العز تعال شوف عروسي ومنها بالموت لو جان المطرون يحط عيني بعني ننزل بعني ايه ننسى الطلب عنيا ننسى الجن طلع صبعية انسى الجن يسأل عليا ليش لترندن كنت مضيع فشرة عين كل ولدك حيب تسأل شتين قلتلك طيب قلتلك طيب تسأل لي خلي في الحق شطرة عليا القافلة تعاون زاد سيريا بس كل دير ومدير يا اضمنلك انه اخذ لي في نصيبها القافلة تعاون زاد سيريا بس كل دير ومدير دير لاني كنت صريح كل مقطع قلته كان تصريح مدير بنجمع لقيت في لاني كل مقطع قلته بيحكي عني وانا نام بتيق وبفيك تمني وانا نام بسمع وفيك بعيا والكل بيشكي فيا وزير الخارجية ايه ويقولي بيشكي فيا ليه نشرب مرشان نبورد والراحة اليوم بكرا نعزية نكد قلق يا خي قلب معدي وانا ما فاك بحد غير بربعي ومن هاب الموت لجان المطراني حط عيني بعنية ننسى ذا البعنية ايه وظل بدعى بيطيني حراسي ولا تشوف العز تعال شوف عراسي ومن هاب الموت لجان المطراني حط عيني بعنية ننسى ذا البعنية ايه ننسى ذا البعنية ايه ننسى ذا البعنية ايه اسرع المستشفى تنضب اسرع تسوى